Isanganiro. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le conseiller principal en communication à la présidence de la République déclare qu'il n'y aura plus de transition au Burundi, même si ce point figure à l'agenda du dialogue d'Arusha sous la facilitation de Benjamin Mkapa. Willy Nyamitwe dit que le gouvernement de Bujumbura n'a pas besoin d'être invité à un processus qui l'accompagne déjà. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dément les informations selon lesquelles cette commission a été classée dans la catégorie B des commissions des droits de l'homme jugées incompétentes. Vous l'entendrez dans ce journal. Et le ministre de l'Agriculture dit que les indicateurs ne suffisent pas pour déclarer l'état de famine au Burundi, même si quatre provinces auront moins de 50% de leur production agricole, alors qu'en actualité internationale, en Gambie, le nouveau gouvernement envisage une révision de la Constitution. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, le gouvernement du Burundi n'a pas besoin d'être convié au dialogue entre Burundais qui se déroule à Arusha la semaine prochaine. C'est une déclaration de Willy Nyamitwe. Il est conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République. Dans une conférence de presse animée ce mercredi en Ngozi, il a expliqué que le gouvernement accompagne déjà ce processus et que le facilitateur invite à son tour les différentes parties à ce processus, notamment les partis politiques. Le gouvernement du Burundi n'a pas besoin d'être invité au dialogue inter-burundais parce que le modus operandi du gouvernement du Burundi trouve comme socle le dialogue. Alors, c'est un processus qui est appuyé et soutenu par le gouvernement du Burundi, que ce soit le processus qui se déroule à l'intérieur du pays ou celui qui se déroule à l'extérieur du pays. Mais ceux qui sont invités, c'est les différentes parties à ce processus, comme des personnes qui appartiennent à des formations politiques, des acteurs politiques et des activistes de la société civile, les confessions religieuses, des journalistes comme vous, des personnes de la diaspora, etc. Et ces gens sont invités par le facilitateur et selon son cahier de charges. Quant à la mise en place d'un gouvernement de transition ou d'unité nationale qui figure parmi les 8 points à l'agenda lors du prochain dialogue à Arusha, la réponse de Willy Nyamitwe est claire, il n'y aura plus jamais de transition au Burundi. Non seulement il n'y aura pas de transition, il n'y aura plus jamais de transition dans notre pays. Nous avons embrassé un processus démocratique et tous les 5 ans, nous devons avoir des élections et les gens sont appelés à respecter le choix du peuple. Mais également, le gouvernement qui existe actuellement est un gouvernement d'union nationale. Et l'union nationale veut dire quoi? C'est quand toutes les ethnies, les composantes sociologiques du Burundi se retrouvent au sein du gouvernement conformément à la constitution de la République du Burundi. Et si vous avez bien suivi dans son discours d'inauguration en 2015, le président de la République a bel et bien dit que si c'est nécessaire que l'article 129 soit amendé afin que ceux qui n'ont pas été aux élections puissent faire partie de l'équipe gouvernementale, que cela sera fait. Alors nous sommes dans un processus de dialogue et à l'issue de ce processus de dialogue inter-burundais, des contributions ou des suggestions de la population en vue de l'amendement de la Constitution seront prises en compte par une commission qui sera mise en place pour analyser quels articles seront amendés pour que, après les élections de 2020, on puisse peut-être avoir un gouvernement qui inclurait en son sein d'autres technocrates. Willy Nyamitwe, c'est le conseiller principal en charge de la communication à la présidence de la République. Et le ministère de la présidence chargé des affaires de la communauté est-africaine a continué à travailler sur des aspects pratiques de la stratégie d'intégration régionale pour le Burundi pour 2017-2021. Cela a été dit par la ministre à la présidence en charge des affaires de la communauté est-africaine ce jeudi lors de la présentation des réalisations de l'exercice 2016. Léontine Nzeyimana a fait savoir que les contraintes ne manquent pas. Léontine Nzeyimana. En dépit du gel de la coopération du Trade Bank East Africa, spécialement sous le volet d'assistance technique, le ministère à la présidence chargé des affaires de la communauté est-africaine a continué à travailler sur les aspects pratiques de la stratégie d'intégration régionale pour le Burundi et du plan stratégique du ministère à la présidence chargé des affaires de la communauté est-africaine. La stratégie d'intégration régionale pour le Burundi 2017-2021 a été validée par le groupe sectoriel de l'intégration régionale et le comité interministériel sur l'intégration et devrait être présenté au Conseil des ministres pour analyse. Le ministère a réuni les partenaires nationaux pour harmoniser dans le contexte de la communauté est-africaine les lois nationales afin qu'elles soient conformes au protocole portant création du marché commun de la communauté est-africaine. Cette activité a permis d'arrêter la liste actualisée des textes législatifs et réglementaires, à harmoniser et d'établir un programme et un calendrier pour vider cette question en 2017, conformément à la décision du Conseil des ministres en charge des affaires de la communauté est-africaine, directive numéro 50. Certaines activités ont cependant connu des difficultés de mise en œuvre, car les partenaires au développement, principalement Trademark East Africa, ont depuis avril 2015 à cette date gelé le financement des activités avec le gouvernement du Burundi, compris les réalisations déjà fort avancées, spécifiquement l'assistant technique, évoquant le cas de force majeure au regard de la situation politique en cours dans notre pays. Il s'agit tout particulièrement du programme de renforcement des capacités en langue anglaise qui requiert un financement costaud à hauteur $1,200,000 américains. Au cours de la période sous examen, les réalisations du ministère à la présidence chargée des affaires de la communauté africaine sont fort satisfaisantes. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 13h05 à Bujumbura. La suite de ce journal. Les commerçants grossistes de haricots au marché central de Ngozi demandent au gouverneur des provinces et aux administrateurs communaux l'allègement de la mesure interdisant l'achat et le transport de ce produit d'une province à une autre. Ces commerçants déplorent que l'OBR, l'Office burundais des recettes, et les communes continuent à percevoir les impôts et taxes alors que le commerce du haricot se fait pour le moment d'une façon frauduleuse. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Les commerçants qui n'ont visé que du commerce de haricots au marché central d'Ongozi déplorent que leurs activités quotidiennes sont presque arrêtées et la mesure des gouverneurs des provinces Kirundo, Muyinga et Karusi, mesure interdisant toute sortie de ce produit vers une autre province. Les commerçants grossistes s'étonnent aussi du fait que certaines communes de la province Ngozi ont emboîté le pas de ces gouverneurs. Ces opérateurs économiques affirment que le peu de commerce de haricots qu'ils font se fait actuellement sous forme de fraude. Demande par conséquent aux autorités habilitées de revoir cette décision. Les commerçants s'étonnent du fait que l'Office burundais des recettes et la commune Ngozi ne cessent de leur exiger des impôts et taxes alors qu'ils ne travaillent presque pas. La situation de ces commerçants s'accentue par des policiers de la localité dite Masanganzira, en commune Kirima de la province Ngozi, frontalière avec les communes Kirundo et Muying. Les policiers exigent, selon ces commerçants, de l'argent sans quittance à tout véhicule contenant du haricot entrant en province Ngozi. Les lamentations des commerçants ont été émises lors d'une réunion tenue par le ministère de l'Intérieur et l'Office burundais des recettes ce mercredi en Ngozi, à l'endroit des commerçants, des administratifs à la base et de la police de cette province. Terence Mbonabucha et Alain Lamigira, ayant animé cette réunion de sensibilisation des contribuables, promet que leurs doléances seront acheminées à qui de droit en vue de prendre des mesures adéquates. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et le ministère de l'Agriculture, et de l'Élevage compte mettre en place un protocole de protection des ravageurs qui ont attaqué les champs de maïs dans différentes provinces du pays. Dans une conférence de presse mardi, le ministre Deogui Derurema a précisé qu'il s'agit d'une nouvelle espèce des ravageurs déjà identifiés et d'ajouter que l'inventaire des produits phytosanitaires pour la protection est en train d'être élaboré. Suivez plutôt le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ces jours-ci, nous sommes en train d'observer qu'il y a la prédation des ravageurs pour la culture du maïs. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons trouvé que c'est une réalité dans certaines provinces. Nous avons pu identifier le ravageur et nous avons trouvé que c'est une espèce nouvelle qui attaque le maïs. La première des choses, c'est qu'on a connu ce ravageur et puis on sait les différents modes de nuisance sur la plante. Nous sommes en train de mettre en place un protocole de protection de ce nouveau ravageur, cette nouvelle espèce. Et nous avons fait un inventaire des produits phytosanitaires que nous avons dans nos stocks et nous avons donné des instructions nécessaires pour qu'on puisse s'approvisionner le plus tôt possible, pour qu'on puisse avoir effectivement un stock qui est suffisant pour faire face à ce dégât des insectes. Voilà, c'était le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, Deogui Derurema. Et puis, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage fait savoir que quatre provinces, dont Kirundo, Muyinga, Bubanza et Bujumbura, ont été sérieusement touchés par les phénomènes de changement climatique, si bien que leur production globale sera en dessous de 50%. Deogui Derurema, dans cette séance de questions des journalistes ce mardi, a souligné que les indicateurs ne sont pas réunis pour déclarer un état de famine au Burundi et de déclencher des mesures d'urgence pour y faire face. Droits de l'homme maintenant. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNIDH, dément les informations selon lesquelles cette commission aurait été classée dans la catégorie B des commissions des droits de l'homme jugées incompétentes. Jean-Baptiste Valiwenekeza indique qu'il s'agit d'une recommandation du sous-comité des accréditations très normale en cours depuis le mois de mai en 2016. Et à la sanction financière qui doit suivre cette recommandation, c'est une interprétation non fondée. Suivez plutôt les explications de Jean-Baptiste Valiwenekeza, il est président de la CNIDH. C'est un exercice tout à fait normal qui est prévu tous les 2 ans ou 4 ans en fonction des questions spécifiques qui se posent dans un pays particulier. Dans le cadre du Burundi, on a eu une revue déjà en 2012 et ensuite une deuxième revue en 2016. Je dois dire qu'il ne faut pas oublier que la Commission nationale indépendante des droits du Burundi est relativement jeune dans la mesure où elle a été mise en place par la loi en mai 2011. Mais au cours de toutes ces années, nous continuons évidemment à tout faire, n'est-ce pas, pour maintenir notre accréditation au statut A. Si la revue est effectuée et que, par exemple, la commission n'arrive pas à satisfaire aux préoccupations soulevées concernant son statut, évidemment, c'est possible qu'elle soit rétrogradée au statut B. Dans la circonstance, évidemment, la procédure est en cours, il n'y a pas de décision finale qui est prise et nous continuons à répondre aux préoccupations du sous-comité d'accréditation et ensuite du bureau qui est l'instance de recours, si vous voulez. Et une fois que la décision est prise, elle pourra soit confirmer notre statut A ou alors nous donner un délai de 1 an pour continuer à, si vous voulez, à expliquer, n'est-ce pas, par rapport à notre action et à son impact. Et la CNDH reçoit beaucoup de soutien des partenaires techniques et financiers de ce pays que nous apprécions. Ça nous étonnerait évidemment que, au cas où, par exemple, le statut viendrait à être revu, et ce serait l'occasion de diminuer ses appuis. Au contraire, je pense que ce serait plutôt la mesure contraire qui serait prise. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, sur le plan de l'Afrique, il y a 19 pays seulement sur les presque 55 qui bénéficient du statut A au niveau de Genève. Et évidemment, même les autres continuent à recevoir l'appui. En réalité, beaucoup d'appui que nous recevons ici au Burundi comme en Afrique d'ailleurs, c'est un appui dans le sens du renforcement des capacités. Et donc, mon plaidoyer est très simple. Ça veut dire si les capacités d'une institution ou bien d'une structure quelconque laissent à désirer, ça veut dire que c'est le moment plutôt pour augmenter l'appui. Donc, je pense que c'est une interprétation qui n'est pas correcte. C'était Jean-Baptiste Valiwenekeza, il est président de la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Et puisque nous parlons droit, un médecin travaillant à l'hôpital de Cibitoke a été arrêté et a passé sa première nuit au cachot de la police. Il est poursuivi pour viol. Des sources judiciaires précisent qu'il a été appréhendé pour des raisons d'enquête sur les faits qui lui sont reprochés. Sa famille ainsi que l'ordre des médecins disent qu'il s'agirait d'un montage grossier et sans fondement. Les défenseurs des droits humains demandent à la justice d'être la plus impartiale possible dans cette affaire. Et l'OHCR au Burundi se dit favorable au retour au pays des réfugiés burundais vu l'amélioration des conditions dans le pays. Au sortir d'un entretien ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur en charge des réfugiés, le représentant du OHCR au Burundi a indiqué que la décision du retour appartient aux réfugiés eux-mêmes. Cependant, Abel Mbilinyi indique qu'on va multiplier les réunions tripartites pour étudier cette question des réfugiés. On l'écoute. On est tombé d'accord d'avoir des réunions techniques avec le gouvernement et peut-être suivies avec des réunions avec d'autres pays dont les accords tripartites que le Burundi a signé avec des pays qui hébergent pour le moment les réfugiés. Voilà, ça c'était le but des échanges ce matin. Il y a souvent une polémique sur le nombre de réfugiés burundais qui sont dans les pays limitrophes. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre exact ou bien approximatif de ces réfugiés burundais qui sont dans les pays limitrophes? Oui, on connaît les chiffres enregistrés par les bureaux dans les pays voisins, mais aussi il y a le nombre de réfugiés qui sont rentrés dans le pays. À Makamba, par exemple, on a plus de 30 000 les réfugiés qui étaient allés soit au Congo, soit en Tanzanie, qu'on avait vérifié, nous, comme l'OHR, avec le gouvernement, qu'ils avaient regagné le Burundi. Mais parmi les groupes, il y avait même, on a constaté plus de 6 000 réfugiés à réduire dans les camps, dans les pays, surtout en Tanzanie, dans les 3 provinces, où regagné le pays. Pour moi, j'ai parlé des 3 provinces parce que c'est là où on a fait la vérification. Mais on n'a pas fait la vérification des Burundais qui sont rentrés, par exemple, à Bujumbura. On n'a pas fait cet recensement. Comme ça, les chiffres pour nous, les gens qu'on a vérifiés, c'est ça que je vous donne. Et aussi, il y a les pays d'accueil, c'est pas nous, les pays d'accueil qui ont réussi beaucoup de réfugiés burundais. Par exemple, pour le moment, l'Ouganda, il y a à Nakivale et à Kampala, même dans d'autres villes, ils ont accueilli plus de 40 000 réfugiés burundais. Le Rwanda, ils disent que les réfugiés sont arrivés à 80 000. Le Congo, c'est aussi 39 000. La Tanzanie s'est dépassée de 200 000. Mais pour nous, les chiffres doivent être balancés par les arrivées qui sont venues ici. Comme ça, je ne peux pas dire les chiffres actuels, c'est les chiffres que je vous donne, comme je dis. Il y a les nuances qu'on doit considérer pour les gens qui sont rentrés. Concernant les conditions de retour des réfugiés au Burundi, est-ce qu'en tant que le patron de HCR dans ce pays, comment vous jugez ces conditions? Le retour de réfugiés, ça dépend des raisons qui ont poussé les réfugiés à quitter le pays. Par exemple, on constate dernièrement que beaucoup les gens quittent le pays à cause des conditions climatiques. Il n'y a plus de guerre, il y a les défis. C'est eux et moi, c'est la même chose. Mais la décision finale, je pense, c'est pas moi à dire, c'est les réfugiés eux-mêmes qui doivent prendre la décision. Mais nous, on est censés nous les informer. C'est que c'est pas ce Burundi. Et là, on le fait régulièrement. Est-ce qu'on peut dire que le patron de HCR au Burundi est favorable au retour des réfugiés burundais? Le retour de réfugiés, c'est une solution durable. Déjà, ça, je peux répéter. Je peux dire, moi, j'ai préféré que les réfugiés regagnent le pays et à cause des conditions que je prévois pour le moment. C'était Abel Mbilingi, c'est le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés au Burundi, répondait aux questions de Joseph Nsabiyabandi. Et les habitants du quartier Buiza de la commune urbaine de Mukaza, au centre de la capitale Bujumbura, se lamentent de la récente mesure les obligeant de démolir tous les kiosques en bois où ils exerçaient des activités commerciales. Ils étaient eux-mêmes en train d'exécuter la mesure ce jeudi dans l'avant-midi. Tout en indiquant cependant qu'ils vivaient essentiellement de ces activités, ils appellent l'administratif à revoir cette décision. À ce sujet, l'administrateur communal de Mukaza a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale au Zimbabwe, Evan Mawarire, activiste qui a été libéré hier, le juge de la Haute Cour a déclaré que le dossier était sans fondement. En Angleterre, les députés ont adopté le projet de loi pour déclencher le Brexit. Et en Gambie, le nouveau gouvernement envisage une révision de la constitution. Alida Naikez. En Gambie, le ministre de la Justice annonce une révision de la Constitution. Il indique que certaines réformes, surtout dans le secteur de la justice criminelle et dans celui des lois sur les médias, sont prioritaires. Cette étape va permettre de s'assurer de la pertinence de la révision et de savoir si elle répond à la finalité pour laquelle les Gambiens l'ont adoptée. Comme l'écrit Jeune Afrique, sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh, la Gambie était caractérisée par des atteintes répétées aux droits humains. Le régime faisait régulièrement arrêter les journalistes, notamment pour sédition, diffamation ou diffusion de fausses nouvelles. En Zimbabwe, la Haute Cour a libéré sous caution Evan Mawarire, un organisateur de la manifestation contre le président Robert Mugabe. Mawarire a été arrêté à son retour de 6 mois d'exil volontaire aux États-Unis. Evan Mawarire est accusé d'avoir incité les Zimbabwéens à renverser le gouvernement du président Robert Mugabe. Il est également accusé d'avoir insulté le drapeau national, ce qui constitue un crime. Un juge de la Haute Cour a déclaré mercredi que les charges portées contre Evan Mawarire n'étaient pas assez sérieuses. Comme nous le lisons sur la BBC, ce dernier est un pasteur sorti de l'ombre l'an dernier lorsque sur les réseaux sociaux, les Zimbabwéens se sont mis à critiquer la corruption au sein du gouvernement. Il avait alors appelé à la résistance passive contre le président Mugabe. Evan Mawarire nie être responsable des violentes manifestations anti-gouvernementales qui ont éclaté l'an dernier. Merci Alida Ndaïkeza, c'est la fin de ce journal à 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi à tous.